Mesdames, Mesdemoiselles. Laissez les talents sur scène, écarte-toi, B.H.L. M'arrache mes sacs pour voir le matos naturel. Hey, prends-moi une poisson au bar, tigresse au string léopard. Je ne raterai pas l'occasion comme César Péta Cléopâtre. Juste le temps de couler le mic avec mon pote Malmen. Pour acheter le scud dans les bacs une fois que brisé ton hymen. Une odeur de sexe et de sueur après notre passage. On récolte ce que l'on sème, ce que je pratique pas pour le passage. J'ai prévenu si ton boule saccagé. Mouvement foule à moi tout seul, il laisse beaucoup de naufragés. Désolé si t'es fragile, pas des gaz, il est le pitbull enragé. Ce serait dommage à ton âge de finir pire qu'en dommagé. Crois pas que je vais te mettre bien, ma soeur comme GD1. Casse ma joie, fracasse avec de violents jeux de main. Y'a aussi petit B, poisson la bite entre les mains. Attends la sortie si tu veux ça du soir au lendemain. Problème, c'est que intentions. Et l'autre jour t'auras de nouvelles sensations. En pleine sexe-intention. En pleine sexe-intention. Et l'autre jour t'auras de nouvelles sensations. Temporal jazz malo. Patrick. Oh. Hey ya, mesdames, mesdemoiselles, je réclame votre attention. Mister Jazema L.O.N. en pleine ascension. Vos convias sont choqués. Ramenez vos grosses cuisses, ramenez dans vos fesses. Venez voir à quel point mon flow blesse. On est venu avec un peu de soleil dans ce pays de pluie. Veillez puis, je réveillerai le people, donc c'est des layébis. La boisson sera de mon superbe si je puis me permettre. Au cas contraire, la ferme et danse la polka puis va te permettre. J'accepte de me jeter parmi vous, mais j'jouerai pas mes choses à la méthode. Mania de la zouze, chère et cesse de parler couze. One, two, black, pas tout, surtout pas d'un tout concours. De la femme qui saura mieux préparer le bandou. Celle-ci, je l'invite à un spécial show privé. Son envie constante de sexe, ma bite va lui supprimer. J'en prends 5, ça me suffira largement. J'en aurai puissance 1000 quand j'aurai lâché le premier largement. Yo. Sur le mec, c'est de son poisson, j'ai abusé de la sombre. Tous les mecs savent que si on se lève, c'est pour diffuser des bombes. Nous on s'en bat, des packs, ça vient d'en bas, ça claque. Si tu survis à chaque attaque, j'ai que moi, négo, wow. Je tombe la bouche dans le body, ouais, c'est bon, ça crée sympathie. C'est parti, faut s'exporter, trop de go exporter. Sans soucis, si tu veux, tu sais. Si t'achètes sans le roussi, si tu veux, on te blesse. On te fera couiner comme aussi. Nos problèmes, nos stress, trap star 51 cousi. Mon mec, c'est la banlieue ouest, trop balèze, on balèze, les bolos, on s'en bat. Ton bise, veut que tu penses sur ce bon son, par pack. On tease, là, combat des mauvais garçons, oh. Garasson qui te harcèle, bombe le torse, on met une leçon putain, j'parle pas en morse. Oh. J'ai dit bouge ton boule, ouais, rends les bonhommes au bar, c'est qui bouge du bar, qui déboule en poil, communique avec ton pleine putain de corps. Pleine sexe intention, t'as goûté notre flotte, t'auras de nouvelles sensations. En pleine sexe intention, en pleine sexe intention, t'as goûté notre flotte, t'auras de nouvelles sensations. En pleine sexe intention, et notre flotte aura de nouvelles sensations.